ange sur la terre, chapitre 10. La rose et la violette. Reine et Lagrimas formaient un parfait contraste. La belle et brillante reine était la fille de la marquise de Alocaz. Veuve de très bonne heure, d'un mari qu'elle avait adoré, la marquise avait concentré sur sa fille toutes les forces aimantes de son cœur. Un voyage à Madrid l'avait forcée de s'en séparer momentanément, mais l'enfant n'en restait pas moins entouré des soins les plus empressés. Parents, amis, vieux serviteurs, c'était à qui la visiterait le plus souvent et la comblerait de joujoux et de friandises. Chacun la gâtait. Chacun s'extasiait devant sa beauté, devant sa fortune, devant sa noblesse. La pauvre Lagrimas, maladive, fluette, chétive, ne vivait que grâce aux soins des bonnes religieuses. Personne, hors du couvent, ne s'inquiétait d'elle. Jamais elle n'avait reçu ni un cadeau, ni même une marque de souvenir. Sa pension était exactement payée et, une fois par an, son parrain, Don Jeremías Tembleque, venait la voir au parloir. La première fois qu'il vint, il avait apporté un gâteau, acheté de hasard à un confiseur ambulant et tellement maculé par les mouches que Lagrimas, qui n'était cependant pas difficile, refusa de le manger. Don Jeremías Piqué se le tint pour dit et ne réitéra pas ses générosités. Il écrivit à son compère que sa fille était fort mal élevée dans son couvent et que les religieuses n'en feraient jamais qu'une sainte nitouche. Reine savait qu'elle était belle, riche, noble et aimée. Lagrimas n'ignorait pas qu'elle n'était ni belle, ni noble, ni aimée, et elle ignorait, ainsi que tout le monde, qu'elle fût riche. Quand la belle marquise de Alocaz disait, en admirant sa fille, « Voyez comme elle grandit, comme elle se développe, comme elle devient belle !» Il n'y avait qu'une voix pour faire chorus à ses éloges, et cela flatterait à part, car ce qu'elle disait n'était que la pure vérité, et chacun ajoutait. Comment ne serait-elle pas belle et gracieuse? Elle a de qui tenir, c'est le portrait de sa mère. Lorsqu'au bout de 4 années, Don Roque, amené par ses affaires à Séville, vint visiter sa fille au couvent. « Mon Dieu, dit-il à son compère Jeremías, que la petite est maigre et jaune, quelle mine pointue, quelle figure de papier mâché. C'est tout le portrait de sa mère. Elle n'a absolument rien de moi. » « Oui, oui, » répondit Jeremías, qui n'avait pas encore digéré l'affront fait à son gâteau de rencontre. « C'est une mijaurée, tout comme sa mère. » On comprendra aisément que l'appui et la protection que l'enfant abandonnée, souffrante et craintive, trouva chez la jeune fille robuste et pleine de vie, développèrent, dans ce cœur aimant, un profond sentiment de tendresse et de reconnaissance. De son côté, Reine s'attacha à cette timide et ombrageuse enfant et trouva un plaisir, parfaitement en rapport avec sa nature, à guider, à gouverner et à stimuler la timide nature qui se cachait sous son ombre. Reine éprouvait également une véritable jouissance à dominer les autres enfants. Et, quand elle le pouvait, en cachette des religieuses, elle leur faisait nettoyer, sous son inspection immédiate, la cage du serin dont elles avaient eu l'audace de menacer les jours. D'un coup de baguette et comme une secourable fée, des ennemis de l'oiseau, elle faisait ses esclaves. Le petit bataillon féminin avait 2 raisons dominantes pour se taire et obéir sans murmurer. D'abord, les doigts de reine étaient doués d'une singulière aptitude pour faire des pinsons, dont les rougeurs cardinalesques ne s'en allaient pas aussi vite qu'elles étaient venues. C'était une détestable habitude que l'enfant gâté avait apportée au couvent. Mais la raison majeure, qui mettait un cadenas sur les lèvres des victimes du despotisme de Rennes, c'est qu'elle apparaissait chaque jour à leurs yeux avec un chargement de bonbons, de biscuits, de gâteaux. Belle comme la fortune qui départit ses faveurs et répandant ses bienfaits à terre, s'il ne se trouvait pas de table sous la main, « Allons, gloutonne, engloutissez !» disait-elle d'un ton majestueux, et aucun des enfants ne se le faisait dire deux fois. La fréquentation de Rennes avait exercé sur l'esprit craintif et mélancolique de la pauvre malade une influence favorable dont sa santé s'était ressentie. Les impressions morales et l'état atmosphérique agissaient puissamment sur la santé de la grimace. Son âme était un cristal qu'un souffle suffisait à ternir, un rayon de soleil à éclairer, un choc à briser. Ces pauvres êtres, disgraciés de la nature, à qui fait défaut la force morale et la force physique, sont l'image d'un filet d'eau limpide, trop faible pour s'ouvrir un chemin et que le soleil absorbe ou que la terre engloutit. Existence qui, de la vie matérielle, ne connaissent que les souffrances, de la vie spirituelle, que les angoisses et la tristesse. Âmes d'anges qui ignorent leur propre valeur et pleurent non sur elles-mêmes, mais sur la douleur, notre commun héritage. Vois-tu, disait quelquefois Lagrima sa reine, en élevant les yeux vers le ciel. Vois-tu ces nuages qui s'éloignent de la mer? S'ils courent si vite, c'est qu'ils fuient le spectacle horrible qu'ils y ont vu. Ces nuages, répondait Rennes, ils ne s'éloignent pas de la mer, ils viennent du ciel. Et Dieu les envoie pour exaucer les prières qu'on a faites pour avoir de l'eau. Entends-tu? Lui disait d'autres fois l'enfant d'une voix effrayée. Entends-tu le bruit de la mer? Bien loin? Bien loin? Allons donc, répliquait Rennes en riant, c'est le bourdonnement d'une mouche. Puisse-t-elle se planter sur ton nez, et tu verras si c'est la mer. Tu es toujours avec la mer, tu es assommante avec la mer. As-tu vu la mer, Rennes? Certainement, puisque j'ai été aux courses de Sanlúcar. Comment? Tu ne te souviens pas que nous sommes revenus à bord du même vapeur? Et... était-elle en colère, reine? Je ne lui ai pas demandé. Peu m'importait qu'elle le fût ou non. Oh, reine, si tu voyais combien elle est effrayante quand elle se fâche. Ses flots se dressent comme des serpents. Elle écume de rage et de colère. Alors elle brise tout. Elle détruit tout. Elle engloutit tout. Reine se leva vivement et se mit à danser en frappant des mains et en chantant. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. La Vierge est accouchée sans peine et sans douleur, à minuit, le jour de Noël, par le froid et la rigueur de l'hiver. Elle a mis au monde un faible enfant, et quand les anges virent le petit Dieu couché sur la paille, ils se mirent à danser au son des instruments. À la douce voix de son ami, chantant ce cantique de Noël, qui répand dans le cœur la joie et l'allégresse, la grimace se calma. Les funèbres pensées se dissipèrent et elle sourit à Rennes comme la tristesse sourit à la consolation. Ainsi s'écoulèrent, dans cette douce union, les deux années que la marquise de Alocath fut forcée de passer dans la capitale. Mais, à peine de retour à Séville, elle s'empressa de reprendre sa fille auprès d'elle. Le chagrin de la grimace fut si profond et si cruel quand il lui fallut se séparer de son amie qu'elle ne tarda pas à retomber dans ses accès de tristesse et d'insomnie si funestes à sa santé. Rennes le sut et, sur son instante prière, les religieuses obtinrent de Don Jeremias l'autorisation de laisser sa pupille aller passer les jours de fête chez la marquise de Alocath. l'insouciant tuteur, n'en écrivit pas même à son compère. L'aimable enfant, qui tenait si peu de place dans le monde, qui évitait soigneusement d'attirer l'attention, et, modeste satellite, gravitait en silence dans l'orbite de l'astre brillant, si bien appelé reine, ne pouvait manquer d'être aimé de tout le monde. La marquise, avec sa bonté naturelle, l'accueillait avec grand plaisir, et sa fille ne pouvait s'en passer. Cette douce vie, qui faisait le bonheur de la Grimace, continua ainsi pendant 4 années. Reine avait 18 ans et la Grimace en avait 16. Cette dernière était toujours d'une aussi mauvaise santé. Sa pâleur, sa maigreur, et aussi cette mollesse tenant à sa nature créole, lui donnaient un air fatigué et dolent qui faisait peine à voir. Ses mouvements étaient lents et embarrassés, sans manquer cependant d'une certaine élégance, douce et languissante, d'autant plus sympathique qu'elle était moins affectée. Dans la fréquentation des religieuses, dans le contact de reines, dans le frottement de la société, cette nature sombre, et même un peu farouche, s'était sensiblement adoucie, mais rien n'avait pu tirer la Grimace de cette profonde tristesse qu'avait jetée dans son cœur la terrible catastrophe qui, si jeune encore, l'avait initiée à toutes les misères de la vie. Son extrême timidité lui faisait constamment tenir les yeux baissés, et, si elle les relevait par hasard, chacun était surpris, car ils étaient étonnamment beaux. Reine, qui avait beaucoup grandi, était d'une taille noble et majestueuse. Son teint avait la blancheur pure et mate de la cire. Son nez, un peu long, était fin et bien dessiné. Sa bouche, aux lèvres rosées, était dédaigneuse et même un peu moqueuse. Ses yeux bleus étaient pénétrants comme 2 flèches. Dans toute sa personne régnait une désinvolture qui n'était peut-être pas de son âge, mais que la critique n'osait lui reprocher, tant elle était gracieuse et bienséante. La marquise de Halocath n'avait pas encore 40 ans. Elle était si bien conservée et ressemblait tellement à sa fille qu'à les voir ensemble, on eût dit le matin et le soir d'un beau jour. La marquise était une de ces femmes, comme on en trouve beaucoup en Espagne, qui, ainsi que les fleurs, ne doivent leurs couleurs et leurs parfums qu'à leur propre sève et non aux pinceaux et aux essences. Élevée au couvent, sans autre notion que celle nécessaire pour former une femme vertueuse, une bonne mère, une vigilante maîtresse de maison, elle n'avait jamais ouvert un livre, sinon le catéchisme, et ne savait pas même ce que c'était qu'un roman. Tout naturellement, et sous la seule impulsion d'une dignité sans affectation, d'une grâce innée et d'un esprit droit et loyal, elle était devenue une femme de la plus haute distinction. Elle savait à propos jeter dans la conversation un mot fin et spirituel et faisait preuve, dans sa conduite, du tact le plus délicat. Fière comme personne, elle était cependant, plus que personne, aimable et gracieuse. Au dire de ses amis, sa conversation avait beaucoup d'à-propos et souvent du mordant, au dire des imprudents papillons qui s'approchaient trop près de la lumière. Bien que la marquise fût restée veuve encore fort jeune, sa tendresse pour sa fille l'avait empêchée de convoler. Avec cet esprit d'égoïsme propre aux enfants gâtés, Reine, dès sa plus tendre enfance, prenait tellement en grippe les gens qui voulaient faire la cour à sa mère que celle-ci était obligée de les congédier, s'imposant quelquefois un douloureux sacrifice que l'enfant ne comprenait pas alors et que la jeune fille ne connut jamais plus tard. Mais il en est ainsi de tous les sacrifices d'une mère. Elle les fait sans réserve et n'attend aucune reconnaissance. Aussi, tous les amis de la marquise l'appelaient-ils, avec juste raison, le modèle des veuves.